Document 2, page 14. Mes chers collaborateurs, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Nous venons de faire le bilan de l'année dernière et les résultats sont très satisfaisants. Nous sommes en train de développer nos magasins en France et à l'étranger, et nous allons encore progresser l'année prochaine. Nous avons actuellement 70 magasins dans le monde, et nous en aurons 80 dans 2 ans. Je passe la parole à Madame Courbet, la directrice de notre magasin de Moscou. Merci, monsieur le directeur. Bonjour à tous. Vous savez que nous venons d'ouvrir un magasin à Moscou, et je suis en train d'étudier un projet d'ouverture d'un deuxième magasin. Nous allons avoir besoin de personnel administratif. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me laisser vos coordonnées. Est-ce que ce magasin va ouvrir bientôt ? Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. On est en train d'en discuter. Pas avant 1 an. Mes amis, je vous propose de parler de tout ça en buvant un verre. Si vous voulez aller au buffet, on vous servira. Madame Courbet va vous donner toutes les informations nécessaires. Très bien. Parfait. D'accord. D'accord. Bonne idée.